Hey girl, listen to me. Pas qu'à comprendre comment nous y est à dans la vie. Qu'à chercher, qu'à fouiller, trouver, trouver l'amour. Qui m'en est pour y'a, qui m'en est pour point, trouver, éviter tout ça, right? Pucci ou l'ifemme gel. Éviter tout ça, c'est le monde qui nous sait qui nous guérit tout ça.